Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la relation Claudel-Rodin. Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Mais c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire. Camille Claudel, Auguste Rodin, deux noms indissociables l'un de l'autre, l'histoire d'une rencontre amoureuse et artistique. Claudel Rodin, couple mythique dans l'histoire de l'art, et puis ce film de Bruno Nuiten au milieu des années 80 et cette interprétation remarquable d'Isabelle Adjani, dont on vient d'entendre un extrait et qui sortira de l'oubli pour la plupart d'entre nous, en tout cas, cet artiste oublié, Camille Claudel. Mais de quoi sera faite cette relation entre Claudel et Rodin? Entre mythe et réalité, quel rapport entretiendront-ils vraiment? Bruno Godichon, vous êtes directeur du musée La Piscine de Roubaix. Vous avez publié un livre sur la correspondance de Claudel. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. On reviendra sur ce mythe Claudel, sur ce film aussi qui a été important, dont on entendait un extrait, ce film du milieu des années 80. Mais d'abord, la rencontre. Comment se passe cette rencontre entre Claudel et Rodin? Alors, c'est bien juste de rappeler donc, que Camille Claudel vient d'une famille bourgeoise française qui suit la vie professionnelle du père Claudel, et notamment qui va passer par la petite ville de Nogent sur Seine, où à cette époque-là, d'où sont originaires deux sculpteurs très importants de cette génération, Paul Dubois et Alfred Boucher. Et Dubois, qu'on amène vers la jeune Camille Claudel, un peu en expert pour mesurer la qualité de ses premiers modelages, d'emblée dit « mais vous avez pris des leçons avec M. Rodin ». Donc Camille Claudel n'a évidemment jamais entendu parler, mais il y a cette inscription dans une veine naturaliste qui paraît d'emblée à Paul Dubois, lui plus académique, assez criante. Donc cette ressemblance, et on y reviendra ensemble plus tard, mais cette ressemblance dans leur style, déjà, on la voit chez cette jeune Claudel. On a pu dire, si vous voulez, qu'il y avait une sorte de rodinité innée chez Camille Claudel. Voilà, c'est tout à fait étonnant. Donc, elle réussit à décider sa famille, enfin en tout cas sa mère, à partir vers Paris avec son frère et sa sœur, où chacun doit développer normalement un enseignement artistique. Et Camille va organiser rue Notre-Dame-des-Champs un petit atelier autogéré avec d'autres artistes femmes, pratiquement que des Anglaises, qui arrivent à Paris, qui est la capitale mondiale des arts à l'époque, mais qui ne peuvent pas aller à l'école des Beaux-Arts, qui à cette époque est encore interdite aux femmes. Ouais. Donc Alfred Boucher, donc un de ces deux Nogentais, vient corriger les travaux des jeunes filles une fois par semaine, et il obtient en 1882 une bourse pour aller en Italie, et donc il doit abandonner ses cours, et à ce moment-là il appelle Rodin, qu'il connaît bien, à le remplacer, et donc Rodin rentre dans la vie de Camille Claudel à la fin de l'année 1882. Très rapidement, il est impressionné par la qualité du travail de Camille, et il fait rentrer deux ou trois de ses jeunes filles, d'ailleurs, dans son atelier assez vite. Donc Camille Claudel, Camille Claudel. Et très rapidement, il tombe amoureux de Claudel. C'est Rodin qui tombe d'abord amoureux, non? Oui, alors l'intimité de cette relation n'est pas si facile à décrypter. Ce qui est certain, c'est que Rodin a été fou amoureux d'elle. Plus amoureux d'elle qu'elle de lui, non? Quand on regarde un peu, par exemple, l'œuvre de chacun, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de Claudel dans l'œuvre de Rodin? On reconnaît des œuvres qui lui sont destinées. C'est très difficile à dire. C'est sûr que Rodin a été très, très amoureux d'elle. Elle réussit, parce qu'elle avait un côté qui pouvait être un peu capricieux, personnage avec assez autoritaire, assez emporté. Paul Claudel dit quand même que ça a été à la fois la grande femme de sa jeunesse, mais en même temps que ça n'a pas toujours été facile. Mmh. Et c'est vrai que Camille va réussir à faire signer des espèces de lettres d'engagement, des grandes déclarations d'amour un peu théâtrales à Rodin. C'est vrai, elle était en même temps... Il faut imaginer quand même, pour une jeune fille de la bourgeoisie, se donner assez rapidement physiquement à un homme qui avait l'âge de sa mère, ce qui n'est quand même pas rien. Il fallait quand même qu'elle soit éprise. Même si on se rendra bien compte que dans la déception, il y a à la fois une déception, enfin la rupture, à la fois une cause de déception amoureuse et aussi une cause de déception professionnelle. Les deux sont assez mêlés, oui. Et c'est ce qui rend cette histoire-là fascinante, et on y revient, à cette relation qu'ils vont entretenir, avec cette grande question, au fond, qu'est-ce qui appartient au mythe, qu'est-ce qui appartient à la réalité? Y a-t-il un dominant, y a-t-il une dominée? À nouveau, un extrait de ce film de Bruno Nuitaine, Camille Claudel, Gérard Depardieu et Isabelle Adjani, donc dans les rôles de Rodin et de Claudel. Le même extrait qu'on a entendu, mais vous allez voir, un petit peu plus long et vraiment, on est dans toute la dynamique et dans toute cette question, quelle sera leur véritable relation? Mais moi, je sculpte la vie, pas la mort. Toi, tu donnes tort à la vie. Tu cherches la douleur. Tu t'enivres de douleur. Tu la fabriques, la douleur. Tu te représentes comme une victime, comme une martyre. Mais c'est toi qui es parti. C'est toi qui m'as quitté. Mais c'était impossible de vivre avec toi! Écoute, Camille, ce que nous avons fait ensemble, c'était bien. Moi, j'ai toujours ressenti la nécessité pour nous de vivre sur un pied d'égalité. Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien! Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture! Mais c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire! Finalement, tu es ma pire ennemie. Je te découvre. Mais tu m'as tout volé! Tout! Ma jeunesse, mon travail, tout! Bruno Godichon, cet extrait, quand même, c'est formidable. Bien sûr, c'est une œuvre de fiction, c'est dramatisé tout ça, mais ça pose la grande question. En quelques secondes, quelle a été la vraie nature de leur relation? Y a-t-il un dominant? Y a-t-il un dominé? Je l'évoquais il y a un instant. Qu'est-ce qui appartient au mythe? Qu'est-ce qui appartient à la réalité dans ce qu'on vient d'entendre? Déjà, il y a une chose qui est très étonnante, c'est qu'a priori, quand on regarde la correspondance, elle n'a jamais tutoyé Rodin. Lui, il l'a tutoyé, visiblement, mais, et encore par épisode, elle l'a toujours vouvoyé. Ses correspondances, elle ne l'appelle jamais par son prénom. Elle est toujours Monsieur Rodin, même dans les lettres les plus intimes, comme celle de Lilette, où elle dit qu'elle l'attend toute nue et que finalement, elle est triste parce qu'il n'est pas arrivé. Donc, le rapport de maître à élève... De toute façon, la vraie relation, elle est là. C'est-à-dire que Rodin ressuscite le grand mythe de l'atelier comme les grands artistes de la Renaissance. Gravitent autour de lui des praticiens, des aides qui apportent une part importante à son travail. Et Camille n'est pas seule du tout, dont des artistes comme Bourdelle, comme Pompon, qui sont des artistes qui vont laisser aussi une trace dans l'histoire de l'art ou de Rivière pour le XXe siècle. Il y a à la fois des praticiens qui resteront assez obscurs, mais d'autres qui auront une vraie carrière d'artiste indépendant. Ouais. Elle est donc complètement intégrée dans l'atelier. Donc en 1898 paraîtra un article très important de Mathias Morhardt, qui est un récit extrêmement détaillé de la vie de Camille Claudel. Et on y apprend que quand elle intervient dans l'atelier, elle est chargée de l'exécution des mains et des pieds pour les grands groupes. Parce que quand elle arrive dans l'atelier 82-83, c'est le début de toutes les immenses commandes qui vont faire la célébrité de Rodin. Et Morhardt dit bien, elle est totalement associée, elle discute avec lui, il écoute assez peu les autres artistes, mais il est très attentif au regard de Camille Claudel. Le paradoxe, c'est qu'elle travaille sur toutes ses créations monumentales, alors qu'elle-même n'arrivera jamais à réaliser. À chaque fois qu'elle approchera d'une grande commande, la chose ne se fera pas. Ils sont vraiment partenaires ce moment-là. Oui. Oui, je crois que tout le monde le dit, qu'ils sont totalement... C'est extrêmement fusionnel. C'est pour ça que cette question ensuite qui arrive de savoir à qui sont les œuvres... C'est un travail d'atelier. C'est finalement comme quand vous travaillez aujourd'hui dans une usine. Si vous arrivez que vous aidez à réaliser un brevet qui va donner beaucoup de débouchés à l'entreprise, ça ne vous appartient pas complètement non plus parce que c'est un travail en commun. Donc Jessie Lipscombe, l'amie anglaise, aujourd'hui à peu près oubliée, était chargée des draperies apparemment. Et Camille faisait les mains et les pieds. Voilà. Et leurs plus belles œuvres, de fait, à l'un et l'autre. C'est à ce moment-là qu'on peut les situer, à Rodin comme à Claudel, le moment où ils sont ensemble dans cet atelier, non? C'est un moment très important parce qu'effectivement, elle est prise dans cette dynamique, elle produit plus qu'elle ne produira jamais. Et lui, étant fou amoureux, la met à peu près dans toutes ses sculptures. Ce qui est formidable, c'est évidemment de voir comment ses œuvres dialoguent entre elles. On a coutume de rapprocher un groupe qui est des tout débuts de Camille Claudel, qui est le Sakuntala, qui va devenir Vertu, Mépomone et l'Abandon, qu'on a un groupe d'amoureux, de le rapprocher du Baiser ou de l'Éternel Printemps de Rodin. Ce sont des œuvres qui sont conçues au même moment. Et quand on y regarde bien, le personnage masculin du groupe de Camille Claudel reprend la morphologie d'un personnage qui est l'adolescent désespéré, qui est un des fragments de la Porte de l'Enfer de Rodin. Donc tout ça est extrêmement imbriqué. Il travaille avec les mêmes modèles aussi. Donc Gigantique est un modèle italien, réapparaît dans des bustes de Camille Claudel et il apparaît dans la tête du groupe de la Luxure et de l'Orgueil. Oui, vous évoquiez cette fameuse grande commande qui n'arrivera pas. Il y a ce groupe de Claudel et tout ce qui l'entoure, tout ce qu'on en a dit, l'âge mûr. Avec cette question, est-ce que Rodin aide ou nuit à Claudel? Alors, elle est... L'âge mûr qui est une référence directe, au fond. On y retrouve Claudel, Rodin et sa compagne. Alors, de toute façon, l'œuvre de Camille Claudel est globalement une œuvre autobiographique. C'est-à-dire vraiment, cet élément-là est extrêmement important. Et en ce sens, notamment, enfin, c'est à mon avis aussi une des clés de la modernité de Claudel, elle annonce des artistes comme Louise Bourgeois et même comme Frida Kahlo, cette façon de raconter sa vie, de raconter la douleur, de raconter l'intimité. C'est une signature qui est plutôt féminine et Camille Claudel est la créatrice, en fait, de cette veine de la modernité de l'art féminin. Et l'âge mûr est effectivement à la fois... le développement d'une œuvre d'art et en même temps on lit dans l'histoire de l'œuvre elle-même le développement des problèmes psychologiques voire psychiatriques de Camille Claudel. Comment elle peut à la fois commencer à présenter des éléments qui marquent cette question de la rupture, donc parce que c'est une sculpture qui raconte la séparation, et en même temps présenter la valse dans la même exposition, alors que la valse raconte justement la fusion du corps des deux amoureux. À partir de 1892-93, où ça devient extrêmement compliqué, troublé, mélangé. Et donc l'âge mûr, qui est une œuvre qu'elle va mettre un temps fou à réaliser, parce qu'elle bouge au fur et à mesure que l'histoire elle-même bouge, parce que dans le premier groupe, la jeunesse, donc c'est-à-dire l'autoportrait, et la vieillesse, et Rodin, le personnage de l'homme au milieu, sont encore en liés par les mains. Et dans le groupe définitif, qui se termine à la fin des années 1890, la rupture est exprimée par la séparation des deux mains. C'est très, très net. Mais cette grande œuvre ne sera pas commandée, coulée finalement dans le bronze. Alors, Rodin intervient-il ou pas? Alors, en fait, donc, l'État lui achète le plâtre original et prépare la commande du bronze. Ouais. Donc, personne ne peut imaginer réellement qu'il n'y ait pas eu une intervention qui est bloquée, puisque la commande en bronze est réalisée, mais elle ne sera jamais signée. Et c'est tout à fait possible que Rodin, en tout cas, il restera toujours cette question, soit intervenu, parce que cette histoire est devenue de notoriété publique. Même Ibsen lui consacre une pièce de théâtre. Enfin, c'est, tout le monde parle à Paris de cette relation qui a eu lieu et cette relation qui s'est cassée. Que Rodin ait eu assez qu'on étale au grand jour sa vie privée peut se comprendre. Ouais. Et il serait intervenu. Mais un collectionneur privé va se substituer à l'État. Le capitaine Tissier, qui arrive, qui arrive finalement devant l'œuvre de Camille Claudel au salon grâce à Léon Lhermitte, un grand peintre ami de Camille Claudel, qui l'avait sans doute également fait rentrer un peu dans l'atelier de Rodin. Le capitaine Tissier va lui commander cette version qui est celle qui est aujourd'hui conservée au musée d'Orsay à Paris. La rupture, elle va coûter cher, très cher à Claudel. Je vous propose à ce sujet-là deux extraits d'entrevue. D'abord la psychiatre Brigitte Fabre-Pellerin, puis Dominique Bonnat, auteur de la biographie Camille, et puis on revient sur cette fameuse rupture. Il y a eu une certaine osmose, je pense, au début, entre les deux artistes. Puis, peu à peu, elle s'est voulue indépendante et en voulant à Rodin de cette attitude où il la repoussait, en ne voulant pas choisir, c'est-à-dire entre sa vieille maîtresse et elle, c'est-à-dire la forçant à choisir, à ce moment-là, simplement, je crois qu'elle a voulu prendre une certaine indépendance. Finalement, la rupture amoureuse s'accompagne de cette rupture professionnelle aussi, c'est-à-dire que Camille quitte l'atelier de Rodin, s'installe dans des ateliers personnels où elle travaille seule, où elle se donne à corps perdu à sa propre sculpture, à son propre travail, à sa propre création. Et c'est un travail vraiment très difficile qui demande toute son énergie, toutes ses forces, et elle va y laisser beaucoup justement de sa santé physique et malheureusement aussi certainement santé mentale. Alors Bruno Godichon, cette rupture, c'est à la fois une nécessité, je pense, geste d'affranchissement sur le plan artistique. En fait, c'est compliqué parce que quand on parle de cette rupture, on a l'impression qu'il y a eu un jour, les choses se sont arrêtées et c'est absolument pas le cas. C'est long. C'est très très long, c'est-à-dire que dès 1892, en tout cas 1893, permettez l'expression, il y a de l'eau dans le gaz. Oui. Mais en 98, elle lui écrit encore pour lui demander de l'aider dans le cadre d'une commande qu'elle a eue pour une illustration de livre. Donc, je pense que tout ça est plus complexe. Je crois quand même que la personnalité de Camille Claudel y est pour beaucoup. C'est une rupture amoureuse avant d'être artistique ou au contraire, d'abord un geste d'artiste? Il y a un élément qui est très fort, qu'on n'a pas connu pendant des années, qu'on a retrouvé dans une correspondance de Paul Claudel à Marie-Romain Roland. Il est vraisemblable qu'il y a eu au moins un avortement et que psychologiquement, la chose a été sans doute très, très marquante. Moi, je situe cet avortement, s'il n'y en a eu qu'un, au début des années 1890, et c'est sans doute lié à la période où ils vont régulièrement au château de Lillette, Rodin pour travailler à son Balzac, et Camille Claudel, en fait, pour se reposer des suites de l'avortement. Et cette question-là va rendre la rupture peu à peu inévitable. Mais elle est totalement liée, au-delà même de Rodin, au milieu autour de Rodin. Quels sont ses clients? Quels sont les journalistes qui la défendent? C'est des journalistes engagés dans la voie de la modernité et qui évidemment l'ont intégré comme ça dans le courant rodinien. Et jusqu'à la fin, même bien après la rupture, ses grands clients, Pétel, Fenaille, tous ces gens sont des gens qui arrivent vers elle. Parce qu'elle fait partie du cercle de Rodin, ou qui en tout cas apprécie son travail parce qu'elle partage avec Rodin une idée nouvelle de la sculpture. Donc, effectivement, à partir du moment où elle va rentrer dans cette logique de rupture affective, elle rentre aussi dans une logique de rupture artistique. Mais ça lui coûte cher, elle n'a pas les moyens qu'elle avait dans l'atelier de Rodin. C'est un peu le début de la fin pour elle, non? Oui, c'est aussi une carrière, vous savez, très paradoxale. Elle a toujours tiré le diable par la queue. Ça a toujours été difficile, mais c'est une vocation de toute façon difficile, la sculpture encore plus que la peinture, parce que c'est plus difficile à vendre. Je pense pas que les choses soient si liées. Elle a pas moins vendu après sa rupture avec Rodin. Et de toute façon, avant la rupture déjà, elle a commencé à prendre son indépendance, à avoir un atelier boulevard d'Italie. Donc il y a eu un moment, tout ce qui était Rodin, petit à petit, encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, lui est devenu odieux. Ouais. Voilà. Et en même temps, elle ne s'est jamais départie de ce qu'elle avait appris chez Rodin. On considère, par exemple, dans les dernières années, que les œuvres qui sont des répétitions pour beaucoup, des extraits, des marcottages d'œuvres anciennes, on dit toujours « elle n'a plus d'inspiration ». Ce n'est pas du tout le cas. Elle a appris chez Rodin cette méthode qui est de réutiliser, de recycler, c'est-à-dire que finalement, l'inspiration nourrit l'inspiration. Au contraire, sur cette question-là, elle est encore plus absolue que Rodin. Et c'est toute son œuvre est marquée quand même par ce qu'elle a appris dans l'atelier. Vous parliez d'Ibsen tout à l'heure. Revenons à ce film dont on entendait un extrait, le film de 1987, film de Nuiten. Ce roman historique, quelques années plus tôt, début des années 80, d'Anne Delbé, une femme en 82, qui révèle un peu Claudel au grand public. Mais vous parliez d'Ibsen, écoutons Anne Pigeot, qui est ex-conservatrice en chef au Musée d'Orsay, nous raconter à quel point cette histoire, qui est une formidable histoire, qui est croustillante, le tout Paris s'en saisit, et que cette histoire-là fait partie de la littérature, de plein d'œuvres, en fait. On a une pièce de Ibsen très tôt, qui raconte un peu cette histoire, et on sait qu'Ibsen pouvait connaître l'histoire à travers ses amis. On a Henri Bordeaux, Andromède et le monstre, qui est un peu une histoire décalquée de cela. On a un roman très mauvais de Léon Daudet qui s'appelle Schifriné, je crois, qui est... Mais alors, vraiment, mot pour mot, des descriptions exactes de la situation, enfin, des descriptions physiques même, des personnages. Et puis, Anne Delbé, qui a redonné une célébrité à Camille Claudel avec sa pièce de théâtre et son roman, qui a été tiré à des milliers d'exemplaires, qui est très romancée. C'est un livre où elle mélange, malheureusement, moi je n'aime pas trop ce mélange, mais les vraies lettres avec sa propre sensibilité à elle. Donc on ne sait plus très bien où on en est. Mais c'est vraiment un mythe. C'est sa vie qui intéresse davantage les gens que son œuvre de sculpteur. Avec le recul, Bruno Godichon, ce mythe Claudel, ça lui profite ou ça lui nuit pour ce que l'on en garde comme image au jour d'aujourd'hui? Ah, c'est compliqué. C'est évident que l'arrivée du livre d'Anne Delbé, qui arrive, en, je dirais, un peu en queue de comète des grandes années du féminisme militant, elle raconte une histoire de cette femme de génie prise en sandwich entre deux génies, parce qu'effectivement, là, on a beaucoup parlé de Rodin, mais il y a également Paul, évidemment, son frère, qui est quand même un des plus grands auteurs de français de sa génération. Ça fait le bonheur des gazettes. Paul Claudel avait lui-même essayé de redonner une lisibilité à sa sœur. Il avait été contacté au moment de la mort de Camille Claudel, en pleine occupation, par le musée Rodin pour faire une exposition. Il avait refusé parce qu'il ne voulait pas, il voulait rien avoir à faire avec le régime de Vichy, et Graff, le conservateur du musée Rodin de l'époque, était très engagé dans la collaboration. Mais après la guerre, avec Cécile Goldscheider, il va faire, au début des années 50, une première grande exposition au musée Rodin qui, il faut bien le dire, passe dans le silence absolu. Personne ne s'y intéresse. Elle est oubliée à un moment. Mais quand Anne Pinjot nous dit... Au fond, il y a deux manières de voir ça. C'est la place, ces œuvres qui nous ramènent cette Claudel, mais ce mythe Claudel. Et Pinjot qui nous dit, ben, il n'y a que le mythe. On oublie l'artiste. En même temps, on redécouvre l'artiste grâce à ces œuvres. Oui, alors je pense que c'est pas si vrai, parce que si c'était le cas, des femmes qui ont eu des vies malheureuses avec un peu de création artistique, il y en a eu d'autres dans cette génération. Et finalement, si le mythe avait prédominé, elles auraient eu le même succès. D'ailleurs, la collection des presses de la Renaissance qui avait publié le livre d'Anne Delbé a eu l'impression qu'il y avait un filon, et ils ont essayé d'en faire d'autres sur des femmes comme ça un peu oubliées. Mais c'est vrai que ça a joué beaucoup, et que... Pour être dans un musée qui a monté plusieurs fois des expositions sur Camille Claudel, je sais que ça draine un public très particulier. Mais ça, c'est intimement lié à l'œuvre. C'est au-delà de la question du mythe. Camille Claudel ne parle que de sa vie dans son œuvre. Donc, les choses sont indissociables. Résolument, c'est une très, très grande artiste. Mais on ne peut pas sortir quand même de ce piège de la biographie, parce qu'elle est le sel de toute son œuvre. Elle en est elle-même responsable, et vous le disiez, mais comme plus tard... Une Frida Kahlo, par ailleurs aussi bien figure sûr, féministe, le sera, mais ça, ce serait le sujet d'une autre bien émission sûr. Que l'on devrait faire. Voilà. Bruno Godichon, l'invitation est lancée. Bruno Godichon, directeur du musée La Piscine de Roubaix, merci infiniment d'avoir merci participé à, vous. À l'émission. Merci. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, aux archives Mario Bolduc, à la technique Martin Massé. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.